commence, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours numéro 35 aujourd'hui dans le livre « Sharh wa aqidat ahl al-sunnah wal jama'a » du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et au dernier cours, on est, bon, pour faire le point, comme on dit, on est toujours dans le chapitre au sujet de la foi en Allah, parmi les 6 piliers de la foi. Et on est en particulier dans l'attribut de les attributs d'Allah, et parmi les attributs d'Allah, al-kalam, la parole, et le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué au dernier cours, à la fin on expliquait le fait que parmi les ulama d'Ahl sunnah, il y en a eu qui ont été éprouvés par cette aqida, le fait d'avoir la aqida de la sunna et la aqida des salaf, et d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses noms. Et donc à l'époque des Mu'tazila, à l'époque où un des khulafa, parmi les khulafa, ont été influencés par les Mu'tazila justement, et qu'ils ont fait avec cette question une grosse fitna. Ils ont imposé à tout le monde leur croyance qui est contraire au Coran et à la Sunna, et ils ont essayé de forcer les ulamas à dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah et que c'était une parole qui était créée, et que le Coran est créé. Et donc alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que il y a des ulamas qui restent fermes et qui défendent la vérité à ce sujet-là. Et parmi eux, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Donc l'imam Ahmad, il est resté ferme. Et on a expliqué que, par rapport à cette question, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit wa qawluhu wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim كلام الله جرت في المعتقد فتن عظيمة على عهد المأمون فمن العلماء من سلك جانب الرخصة وقال إنه مخلوق خوفا على نفسه من القتل أو الحبس وتأول في ذلك قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit que nous croyons donc que le Coran est la parole d'Allah. Et on a, comme on l'a expliqué, cette croyance a subi beaucoup d'épreuves, de grandes épreuves à l'époque de Al-Ma'moun, le khalifa qui s'appelait Al-Ma'moun. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les ulama, il y en a parmi eux qui ont pris la permission. Qu'est-ce que c'est cette permission? C'est la permission de dire une parole de kufr lorsqu'il y a une situation dans laquelle on est sous la contrainte. Et on sait que la personne qui est sous la contrainte, elle est excusée de dire des paroles de kufr tant qu'elle a la foi dans le cœur au moment où elle dit cette parole. Et le cheikh, il dit donc qu'il y en a parmi les ulama qui ont pris cette permission et qui ont dit qu'il est créé, hein, que le Coran est créé par peur de se faire tuer ou par peur d'être emprisonné. Et donc ils ont utilisé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 106 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » C'est-à-dire le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que la personne qui est sous la contrainte, hein, alors que son cœur est dans la sérénité par rapport à la foi, eh bien le fait de dire cette parole de kufr, ça ne lui fait pas de tort. C'est comme l'exemple de Ammar ibn Yasir, hein, à l'époque où les mouchriquins à Mecca l'ont torturé, après avoir torturé son père et sa mère et après les avoir tués devant lui. Alors il a dit la parole de kufr, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite lui a demandé: est-ce que tu avais la foi à ce moment, au moment où tu as dit cette parole? Il a dit oui, au messager d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset à ce sujet là et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fa'in adu fa'ud, c'est-à-dire s'ils te reprennent encore une fois pour te torturer et pour te forcer à dire une parole qui est une parole de kufr, alors dans ce cas-là, redis cette parole toi encore une fois pour te sauver. Dans la contrainte, hein, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Et parmi les ulama, le cheikh dit: wa min al-ulama man ta'awwala fi at-ta'wil mandouhatun 'an al-kadhib فكان يقول إذا سئل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة ويتأول أصابع يديه. Donc le cheikh dit certains ulama ils ont utilisé, hein, un genre de comme on dit, ils ont essayé d'esquiver la fitna en utilisant un truc, si on veut, hein, un moyen de se détourner de cette parole de kufr en utilisant une ruse, si on veut, hein, c'est-à-dire qu'ils pointaient vers leurs doigts, hein, ils pointaient leurs doigts et donc ils pointaient un doigt, par exemple, ils disaient, par exemple, at-Torah, al-Qur'an, ils pointent un doigt et l'autre doigt, il dit At-Tawra, et il pointe l'autre doigt, il dit Al-Injil, il pointe l'autre doigt, il dit Al-Zabur. Puis il dit elles sont toutes créées en parlant des doigts. Tandis que la personne qui les écoute s'imagine qu'il est en train de parler des livres. Alors que lui, il ne parle pas des livres, il parle de ses doigts. Mais c'est un genre de moyen qui était employé, que certains savants ont utilisé pour éviter d'être torturé et d'être tué ou emprisonné ou des choses de ce genre. Il dit ensuite le cheikh: وَمِنْهُمْ مَنْ صَمَّمَ وَقَالَ الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ أي على الإمام أحمد أن يصمد ويقول القرآن غير مخلوق ولو قتل، لأن المقام في هذه الحال مقام جهاد. والإمام أحمد رحمه الله لو قال إنه مخلوق لكان الناس كلهم يقولون إنه مخلوق وهذا حرام. فلذلك نقول: من أكره على الكفر قولا أو فعلا فإن كان إماما حرم عليه أن يوافق لا تأويلا ولا إكراما لأن الناس يقتدون به ويأخذون عنه، وأما إن كان إنسانا عاديا فله رخصة إما بالتأويل أو بالإكراه. Donc le cheikh il dit que parmi les ulama, il y en a qui sont restés fermes et qui n'ont pas branché, comme l'imam Ahmad. Il a dit le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah, hein, rahimahullah. Et pour lui c'était une obligation de dire ça, c'est-à-dire pour l'imam Ahmad c'était une obligation pour lui de le dire, de dire que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah, et de rester ferme sur cette parole, hein, que le Coran n'est pas créé, même s'il allait se faire tuer pour ça. Pourquoi? Parce que en ce qui le concernait, c'était une situation et un degré de djihad, de lutte. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmad, c'était l'imam de son époque. Tout le monde se tournait vers lui pour la fatwa. Tout le monde le regardait comme étant un modèle et un exemple à suivre, hein, une référence dans la religion, dans la aqida, hein, dans le hadith. Donc, c'était lui, hein, la référence. Alors, il ne pouvait pas se permettre de prendre une permission, hein, ou de dire, je dois le dire parce que je suis sous la contrainte. Non, lui, il n'avait pas ce choix-là, hein. Alors le cheikh il dit, si l'imam Ahmad avait dit qu'il est créé, hein, si l'imam Ahmad avait dit le Coran est créé, tous les gens auraient répété que le Coran est créé par la suite, hein, ils auraient cru que c'était correct, et ça c'est clair que c'est quelque chose qui est haram. Alors il est resté ferme jusqu'à la fin, et le cheikh il dit que c'est pour cette raison là que nous devons comprendre que celui qui a été contraint à la mécréance, que ce soit par une parole ou par une action, hein, si c'est un imam dans la religion, c'est-à-dire un exemple, un modèle que les gens prennent comme référence, alors c'est interdit pour lui, hein, d'accepter de dire cette parole de kufr. Ni par interprétation ou par ruse, ni par contrainte, pour se détourner du châtiment ou d'une punition dans cette vie de la part des kuffars ou des mushrikines ou des mubtadi'a et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens le prennent comme une référence et le prennent comme un exemple et ils vont le suivre, hein? Ils vont prendre de lui. Et donc, si c'est une personne ordinaire, hein, c'est correct, il peut prendre la permission. Il peut utiliser un genre de ruse pour se détourner de la parole qui est incorrecte. Ou bien il peut utiliser l'excuse par rapport au fait que lorsqu'on est sous la contrainte, hein, c'est permis de dire une parole de kufr. Mais si quelqu'un est un imam, c'est autre chose. Donc le cheikh il dit al-muhim annahu jarat mihanun azima qala cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah la adhunnu anna allaha yaghfiru al-ma'mun ala ma adkhala ala al-muslimin min kalam al-falasifati wal-mantiqiyin وذلك لأن هذا الرجل وإن كان فيه خير لكن أدخل على المسلمين خللا في عقائدهم وضل به أمة ومثل هذا ضرره عظيم وحسناته مغمورة في جانب سيئاته لكننا نقول هذا الرجل قدم على ربه Wallahu subhanahu wa ta'ala yatawalla hisaba. Donc le cheikh il dit que l'important c'est que il faut savoir qu'il y a eu une grosse épreuve, hein, qui s'est produite à cause de cet homme al-Ma'moun. Le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit rahimahullah, il dit je ne pense pas que Allah sera je ne pense pas que Allah est insouciant de ce que Al-Ma'moun a fait rentrer chez les musulmans comme parole philosophique et comme logique aristotélicienne, hein, ou ce genre de philosophie. Hein. Il a fait un grand tort aux musulmans en faisant ça. Et donc, Cheikh al-Islam, il a dit ça. Et il dit ensuite, cet homme, même s'il y avait du bien en lui, c'est-à-dire Al-Ma'moun, mais il a fait rentrer dans la croyance des musulmans beaucoup de mal. Et beaucoup de gens ont été égarés à cause de ça. Et donc ça a ramené un grand mal. Et même s'il a fait des grandes actions, des choses, des bonnes beaucoup de hasanat, hein, et on espère que ces hasanat vont prendre le dessus sur ses péchés, mais on dit en même temps, hein, donc que cet homme, il est retourné à son Seigneur, et c'est Allah qui va s'occuper de son jugement, et qui va lui donner, hein, le juger selon ce qu'il mérite. Ensuite, si on revient au texte, là où on est rendu, dans l'explication, il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى تَكَلَّمَ بِهِ حَقًّا وَأَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلُ فَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Donc, le Cheikh, il explique, donc, comme on a déjà expliqué ces points-là, hein, nous croyons que le Coran, le noble Coran est la parole d'Allah, il l'a prononcé réellement, hein, il l'a prononcé réellement, et il l'a fait descendre sur Djibril, hein, il l'a envoyé, il l'a donné à Djibril, et Djibril est descendu avec sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh, il explique ça, il dit قوله وألقاه إلى جبريل يعني سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به جبريل على قلب محمد على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh, il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait entendre sa parole à Jibril. Donc Jibril a entendu cette parole d'Allah et il est descendu avec sur le cœur de Muhammad, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il cite le verset dans Surat An-Nahl, le verset 2, le verset pas 2, le verset 102. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Naam, ce qui signifie, en vérité, le Coran est dit, c'est l'Esprit Saint, Gabriel, qui l'a fait descendre, en toute vérité, de la part de ton Seigneur. Hein? Et le Cheikh, il explique ça en disant هذا دليل على أنه نزل من عند الله وروح القدس هو جبريل فوصف بأنه روح لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وأضيفت الروح إلى القدس وهو النزاهة والطهارة لأن جبريل عليه الصلاة والسلام له من الطهارة والنزاهة والقوة والأمانة ما استحق أن يكون هو السفير بين الله وبين رسله عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh, il dit ensuite que, donc ça c'est la preuve, hein, dit, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre yani de la part de ton Seigneur en toute vérité. Et donc ça c'est la preuve que le Coran, il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient d'Allah. Et l'Esprit Saint, Ar-Ruh al-Qudus, c'est Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit cette âme, il l'a appelé âme, il a dit que c'est un Ruh. Pourquoi? Parce qu'il descend avec la révélation. Et c'est par la révélation que les cœurs vivent. Parce que la révélation, c'est elle qui donne la vie au cœur. La vraie vie. Et il dit que on a décrit cette âme comme étant Ar-Ruh al-Qudus. Il l'a décrit cette âme comme étant comme possédant Al-Quds. Al-Qudus. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Qudus? Le Cheikh il dit ça veut dire Al-Nazahata wa Tahara, c'est-à-dire la pureté, la propreté, la purification. Donc c'est une âme pure, c'est une âme sainte, pure. Et pourquoi? Parce que c'est Jibril. Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam lahu min at-taharati wa an-nazahati. Il possède de la pureté, de la propreté, de la force et de l'honnêteté qui fait en sorte qu'il mérite d'être cet ambassadeur entre Allah et ses messagers alayhim salatu wassalam. Naam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiy mubin. Donc le cheikh il explique, il dit, il cite ce verset dans sourate Ash-Shu'ara, le verset 192 à 195, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie en vérité. Le Coran est une révélation émanant du Seigneur des mondes que l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, a apporté du ciel pour le déposer dans ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs. Et il est révélé en langue arabe claire. Il est révélé en langue arabe claire. Donc, le cheikh il dit ensuite, قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك وذكر الله سبحانه وتعالى القلب لأنه وعاء الحفظ وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا فإن المسموع قد لا يتعدى الآذان فيسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه والسماع النافع ما وصل إلى القلب ولذلك قال تعالى على قلبك لأن القلب وعاء الحفظ. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset, certes c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre, il a fait descendre Jibril avec qui a fait descendre Jibril avec cette révélation sur ton cœur. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ici il mentionne le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le contenant qui dans lequel il y a la mémorisation, c'est le moyen par lequel on arrive à mémoriser. Et il dit parce que l'être humain lorsqu'il entend quelque chose, peut-être que ça dépasse pas ses oreilles, mais s'il l'entend par ses oreilles mais que ça n'arrive pas à son cœur, alors dans ce cas-là c'est pas bénéfique. Pour que ce soit bénéfique, il faut que ce qu'il entende arrive à son cœur, et c'est à ce moment-là qu'il profite et qu'il agit selon ce qu'il entend, qu'il suit la vérité qu'il lui parvient. Et donc c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il lui a fait descendre cette révélation, ce livre, sur son cœur, parce que c'est dans le cœur qu'il y a la mémorisation, la compréhension. Le Cheikh il dit ensuite, pour expliquer le verset, قوله لتكون من المنذرين اللام للتعليل وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين. هذه آيات من القرآن الكريم ومذهب أهل السنة والجماعة يعني رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ويقولون معنى منه بدأ أي ابتدأ، فليس من جبريل ولا من الهوى بل من الله عز وجل بدأ، بل من الله عز وجل بدأ. وقوله وإليه يعود قال إن لها معنيان. Donc le Cheikh il explique, il dit que c'est un livre en arabe clair, bilisan arabin mubin. Donc c'est un livre qui est en langue arabe. Mubin qui signifie fasih, bayin, wadih, yatabayin bihi al-ma'na bidun khafa. Donc il est hein, il est clair, il est éloquent, il est explicite. Et la partie avant ça, litakuna min al-munzirin, l'âme al-ta'lil, le lame ici, c'est le lame qui explique la raison et la cause. Litakun, pour que tu sois min al-munzirin, parmi les avertisseurs. وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين. Donc il est devenu un avertisseur par la révélation de ce Coran. Puis après il dit en langue arabe claire, c'est-à-dire le Coran c'est un livre qui est en langue arabe claire. Et il dit ensuite que c'est un livre donc qui est clair et explicite. Il y a rien de, hein, il y a pas de de sens, il y a pas de chose qui est yani difficile à comprendre. Tu peux comprendre sa signification sans difficulté, sans ambiguïté. Il n'y a rien qui est caché dedans. Le Cheikh dit ensuite, فهذه آيات من القرآن الكريم ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ويقولون معنى منه بدأ أي ابتدأ، فليس من جبريل ولا من الهوى بل من الله عز وجل بدأ. وقوله وإليه يعود قالوا إن لها معنيين. Donc le Cheikh il dit que les versets donc du Coran al-Karim selon la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, qu'Allah leur fasse miséricorde, à propos du Coran al-Karim, ils disent que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est révélée, hein, elle est révélée, elle n'est pas créée, et c'est d'Allah qu'elle a commencé ou qu'elle a débuté, et c'est vers lui qu'elle va retourner, et la signification de c'est de lui qu'elle vient, hein, c'est de lui qu'elle a débuté, c'est-à-dire ça ne vient pas de Jibril, ça ne vient pas du vent. C'est la parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a débuté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la parole wa ilayhi ya'ud, et c'est vers lui que cela va revenir, hein, c'est-à-dire c'est vers lui que le Coran va retourner. Elle a deux significations cette parole. La première, al-awwal annahu ya'udu ilayhi fi akhir az-zaman. حيث ينزع من المصاحف والصدور فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا قرآن ويكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه إذا أعرض الناس عنه. Le Cheikh explique que, bon, il commence à expliquer que quand on dit que c'est vers Allah que le Coran va revenir, on dit c'est de lui qu'il a débuté et c'est vers lui qu'il va retourner, ça peut avoir deux significations. La première signification, donc on commence à expliquer cette première signification par ce point, il dit que quand on dit que c'est vers lui que le Coran va retourner, c'est-à-dire à la fin des temps, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va enlever et retirer tout ce qui reste des livres, hein, des couvertures entre les deux couvercles du mushaf, tout ce qui est à l'intérieur comme Coran va s'effacer, hein, Allah va le retirer, et également il va l'effacer des poitrines des hommes et des cœurs. Donc plus personne ne va avoir de Coran à lire, hein, plus personne n'aura de copie du Coran à lire, et plus personne n'aura également de mémorisation du Coran dans sa poitrine, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, hein, et à ce moment-là, donc c'est là qu'il va retirer complètement le Coran des livres, des masahif, et également il va le retirer de la mémoire des hommes dans leur poitrine, et donc les gens vont rester sans Coran à la fin des temps. Et ça, c'est uniquement à la fin des temps, lorsque les gens vont se détourner complètement du Coran. Le Cheikh, il dit, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ أَنْ يُتَبَدَّلْ وَيَكُونُ بَيْنَ أَيْدِي أُنَاسٍ لَا يُقِيمُونَ لَهُ وَزْنًا كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُصَلِّتُ عَلَى الْكَعْبَةِ في آخر الزمان من يهدمها لأن أهلها أي أهل الكعبة لا يقيمون لها وزنا بل المعاصي والكفر والشرك عندها حينئذ يسلط عليهم هذا الرجل فيهدمها بينما لم يسلط عليهم صاحب الفيل وعجز أن يصل إليها وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لأن الله تعالى يعلم أن هذا البيت يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعة الله أما في آخر الزمن فلا عمران بعده ولذلك يسلط عليها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله الحرام عند قوم لا يعبؤون به ولا يهتمون به فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا وصار عندهم بمنزلة الألعوبة وربما قالوا هذا أساطير الأولين وما أشبه ذلك حينئذ يرفع Donc le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ce Coran, il le protège d'être changé, d'être modifié et d'être entre des mains de personnes qui ne lui donnent aucune valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que la Kaaba à la fin des temps soit détruite, hein, les gens de la Kaaba ne vont plus lui donner aucune importance. Les gens de la Kaaba ne vont plus donner d'importance à la Kaaba et à la Qibla et à la Kaaba. Et il dit, les gens vont faire des péchés, de la mécréance et du shirk auprès de la Kaaba dans la fin des temps. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que, hein, Allah va donner le pouvoir à un homme sur eux qui va la détruire, cette Kaaba. Hein? Il va la détruire, cette Kaaba. Alors que Abraha, l'homme qui était venu avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour détruire la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas laissé faire. Hein? Il n'avait pas réussi à détruire la Kaaba, alors qu'il aurait voulu la détruire avec les éléphants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la Kaaba à ce moment-là, tandis qu'à la fin des temps, ce sera différent. Hein? Et c'est comme dans Sourate Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans les versets 3 à 5, il dit: et on a envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lancent des pierres d'argile, hein, et il les a rendus semblables à de la paille mâchée. Donc ça, c'était à l'époque, c'était avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit: mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que cette maison, la Kaaba, il savait, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas laissé Abraha détruire la Kaaba, parce qu'il savait qu'il y allait avoir un prophète qui allait venir, hein, et qu'il allait faire en sorte que cette maison d'Allah soit peuplée dans l'obéissance d'Allah et par l'obéissance d'Allah vers la fin, tandis que vers la fin des temps, il n'y aura plus personne qui va peupler la mosquée après. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur eux quelqu'un qui va mettre au pouvoir sur eux quelqu'un qui va la détruire. Donc il ne va rien rester de la maison d'Allah, al-Bayt al-Haram. Yani, par rapport à des gens, il n'y a rien qui reste par rapport à des gens qui, yani, ne donne pas d'importance du tout, yani, à la Kaaba. Donc le cheikh, il dit que s'il lui donne pas d'importance et il s'en occupe même pas, hein, Allah subhanahu wa ta'ala va le retirer, il va la faire détruire, comme il va retirer le Coran, de l'écriture du Coran, il va la faire disparaître des livres, et il va la faire disparaître également de la mémoire des hommes et de leur cœur, et il va faire en sorte que la Kaaba aussi soit détruite, hein, parce que les gens ils ne donnent pas d'importance au Coran et ils le contredisent sans problème. Ils le contredisent, le Coran, ça devient pour eux comme un jeu. Allah al-Musta'an. Et peut-être même qu'ils disent, c'est des histoires anciennes. C'est des histoires anciennes. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir vers lui le Coran. Et c'est de là l'expression, yani, que c'est vers lui qu'il retourne. C'est vers lui qu'il revient. Le Cheikh dit, وَالْمَعْنَ الثَّانِي وإليه يعود وصفا أي لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن سوى الله وإليه يعود وصفا أي لا يوصف أحد بأنه يتكلم أو بأنه تكلم بالقرآن سوى الله. Donc le cheikh, il dit la signification, la deuxième signification par rapport à cette parole, hein, que c'est vers lui que le Coran retourne, il dit que, c'est-à-dire en tant qu'attribut, que c'est vers lui que le Coran revient, dans le sens qu'il n'y a personne qui peut prétendre que la parole d'Allah vient d'autre que Allah, ou est la parole d'autre que Allah. Parce qu'il y a des gens parmi les gens d'égarement qui disent que le Coran c'est la parole de Jibril, ou qui disent que le Coran c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ce genre d'égarement qui existe chez les Asha'ira, par exemple. Allah al-Musta'an. Bismillah. Donc on continue, inshallah. Le cheikh, il dit maintenant. Donc on a compris, le cheikh il dit ensuite wal ma'nayani sahih, kilahuma sahih. Les deux significations sont valables et sont bonnes. La première, on a dit que c'est que à la fin des temps Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir vers lui le Coran. Il va l'effacer des masahif, des copies du Coran qu'on possède. Il va s'effacer. Et aussi, il va s'effacer des cœurs des hommes. Donc, il n'y aura plus de copies de Coran sur terre. Et ça, c'est vers la fin des temps complètement. Et l'autre explication, c'est que personne ne peut être décrit comme étant celui qui a prononcé le Coran en premier, excepté Allah. Celui qui l'a dit cette parole en premier, c'est Allah. Donc ça, c'est la deuxième explication, la deuxième signification, et les deux sont valables. Et le cheikh il dit ensuite: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ يَصِحُّ لَنَا أَنْ نُعَبِّرَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ خَرَجَ مِنَ اللَّهِ أَوْ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْهُ؟ الجواب: لو قيل كلام الله فقط واقتصرنا عليه والحقيقة أني أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، فإنه أسلم وأحسن، ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي، هل هو كلام الله أو هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فينبغي أن لا نقول هكذا، بل نقول الحديث القدسي كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. ولكن لو سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام، قلنا لا نلحقه بالقرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن لا تنطبق عليه. فأنا أرى أخيرا، وهو الذي أدعو إليه الآن، أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. Donc le cheikh il explique, il dit ici, quelqu'un pose la question: est-ce que c'est correct pour nous de nous exprimer en disant que le Coran est sorti d'Allah, ou que la parole d'Allah est sortie de lui? Est-ce que c'est correct de dire est sorti de, est sorti? Donc le cheikh il dit, la réponse à ça, c'est si on disait plutôt que c'est la parole d'Allah seulement et qu'on se limitait uniquement à ça, il n'y a pas de doute que ça c'est mieux. Et il dit que de façon générale, en réalité, il dit: je vois que le mieux tout le temps, qu'est-ce qu'on devrait toujours faire, c'est de parler, de ne pas parler d'une chose qui est rapportée à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, excepté par ce que les salafs ont dit. C'est-à-dire de rien dire à ce sujet-là, excepté ce qui a été dit par les salafs. Parce que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est plus sûr et qui est meilleur. Il dit comme exemple de ça à propos de la question des hadiths Qudsi. On dit que les hadiths Qudsi, certains disent que ils posent la question: est-ce que c'est la parole d'Allah? Est-ce que c'est la parole d'Allah? Ou est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte le sens de la parole d'Allah? Alors il dit, on ne doit pas dire ça. C'est-à-dire on ne doit pas dire ça de cette façon. Il dit ce qu'on doit dire, c'est que le hadith al-Qudsi, c'est ce que Alhamdulillah. On doit dire que le hadith al-Qudsi, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur. Hein? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur, puis on se tait. Mais si on nous posait la question, est-ce que tu le fais rentrer dans le Coran par rapport aux règles, c'est-à-dire tu vas le traiter comme le Coran, hein, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Qudsi, c'est-à-dire qui rapporte la parole d'Allah, est-ce que tu le traites comme de la même manière que le Coran? Il dit non, on va pas le ramener, hein, ou bien l'associer ou le mettre avec dans les mêmes règles que celles qui s'appliquent au Coran. Par exemple, le Coran, quand on le récite, hein, c'est une adoration d'Allah et on reçoit des hasanat en le récitant. Le hadith Qudsi, c'est pas le cas. De même que pour réciter le Coran, ça nécessite la pureté. Hein. Et c'est pas le cas pour le hadith Qudsi. Donc, toutes les règles qui s'appliquent au Coran ne s'appliquent pas nécessairement. Ne s'applique pas au hadith Qudsi. Il dit, moi donc, dernièrement, j'ai cette position que, et c'est à celle à laquelle j'appelle les gens maintenant, et je dis de ne pas parler de ce genre de questions, excepté selon ce que les salafs ont dit. Mais, par contre, si on est forcé à le faire, et qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix de parler ou d'expliquer, alors dans ce cas-là, on explique. Mais sinon, hein, le mieux c'est de pas dire ces choses-là, de pas détailler là-dessus. Le cheikh il dit ensuite, il continue la lecture du livre, le texte. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى هو العلي العظيم هو العلي العظيم. Donc le cheikh il dit, et nous croyons que Allah عز وجل est haut, élevé sur au-dessus de sa création par sa personne et son être et par ses attributs à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aliyul azim, et il est le très haut, le très grand, hein? Et ici on voit que le cheikh il emploie l'expression que beaucoup d'entre les salafs, même il y a l'ijma sur l'utilisation de ce terme bidhatihi, par son être. Et certains, j'ai remarqué, certaines personnes traduisent bidhatihi par le mot essence, hein, par son essence. Et en réalité, si on regarde la définition du terme essence en français, eh bien c'est un terme qui renferme toutes sortes de notions philosophiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et donc c'est pour cette raison-là que moi j'aime pas du tout utiliser le terme essence, hein, ou traduire le terme bidhatihi par l'essence. Parce que en réalité bidhat, hein, that shakhs, hein, or that shay, huwa shay nafsu. Yani le that d'une chose, c'est sa personne, c'est son être et c'est sa personne elle-même. Donc, je préfère traduire bidhatihi par son être ou par sa personne. Et ça, dans ce sens-là, c'est plus clair, hein, et ça n'a pas autant de connotations philosophiques et des connotations d'égarement que de le traduire par le terme essence. Hein. Ça, essence, c'est plus dans l'utilisation des philosophes ou des théologues, plutôt des théologiens, qui se basent sur la raison et non pas sur la révélation. Et ça me fait un peu penser au terme des mutakallimin, Ahlul Kalam, ce qu'ils traduisent par le terme al-jawhar. Hein? Ça c'est plus l'essence, c'est plus le terme jawhar, hein, que les philosophes et les théologiens utilisent, mais ça n'a rien à voir avec la aqidah d'Ahl-Sunnah, et c'est pas du tout le sens de cette expression là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici le cheikh il dit, donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et haut, élevé sur sa création par son être, hein, et par ses attributs. Et ça c'est basé sur la parole d'Allah, dans lequel il dit dans le verset 22, dans Ayatul Kursi, dans Surat Al-Baqarah, le verset 255, Wa huwa al-Aliyul Azim, c'est la fin du verset. Et il est le très haut, le très grand. Maintenant on va lire l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là. Et il dit, Wa qawluhu wa nu'minu bi anna Allah azza wa jal aliyun ala khalqih. بذاته وصفاته. Hein? Même dans la traduction de Dar al-Salam, ils l'ont traduit par l'essence. Hein? Ils disent, et nous croyons que Allah le Tout-Puissant est au-dessus de sa création par son essence et ses attributs. Donc ils ont eux aussi employé le terme essence. Mais comme je dis, essence, moi j'aime pas du tout cette expression là, comme je dis c'est une expression, et vous pouvez regarder vous-même dans les dictionnaires français et surtout les dictionnaires spécialisés dans les questions de la croyance et les dictionnaires spécialisés dans les termes plus philosophiques et idéologiques, vous voyez là les connotations sont vraiment yani contraire à qu'est-ce que ça signifie dans l'islam, le terme that, hein. Donc ça c'est un point en passant. Donc le cheikh il dit li qawlihi ta'ala bi dhatihi wa sifatihi li qawlihi ta'ala wa huwa al-ali al-azim wa qawluhu wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir. وأما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة أو أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، قالوا بأن الله علي بصفاته، ودليل علوه بصفاته قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن أحدا أن يماثله في الصفات إلا أهل التمثيل، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة. أما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمة، فأهل السنة والجماعة يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بصفاته، وأهل البدع انقسموا في ذلك إلى قسمين، قسم أنه بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في المرحاض فهو في المرحاض والعياذ بالله بذاته، وقسم آخر على العكس من ذلك، قالوا لا يوصف بأن الله فوق ولا تحت ولا متصل عن العالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، حتى قال بعض العلماء إذا قيل صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا. ولهذا لما حضر محمد بن فورك وهو من أئمة المتكلمين إلى محمود ابن سبكتكين إلى محمود بن سبكتكين رحمه الله القائد المشهور، تناظر معه في هذه المسألة، فقال ابن فورك أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فقال له إن ربك عدم، فإذا لم يكن كذلك فهو عدم. فالخلاصة أن أهل الزيغ في علو الله بذاته انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهي أولا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والعقيدة يقولون إن الله فوق السماء بذاته بائن من خلقه، وقسم يقول إن الله في كل مكان، وقسم يقول إن الله لا متصل ولا منفصل، يعني لا يوصف الله بعلو ولا نزول ولا شيء. وهذا أقسام الناس في العلو الذاتي. أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم مطبقون عليه ما عدا الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، فإنهم قد انتقصوا صفات الخالق ونرى أنهم كفار، لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. Donc on va traduire ce passage, et c'est un passage qui explique en détail la question. Donc il dit le cheikh qu'en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé par ses attributs, eh bien ça, la Ummah en entier l'a accepté, que ce soit les sunnis d'entre eux ou que ce soit yani, les gens de bid'a parmi eux. C'est-à-dire ils sont tous d'accord pour attribuer à Allah qu'il est Al-Ali, qu'il est Ali dans ses attributs, qu'il a une sifa qui est al-ulu. D'accord. Et il dit la preuve de ça, c'est dans le Coran, les versets qu'on a cités plus tôt, les versets qu'on a cités plus tôt, et aussi le verset 60 dans yani sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. On va lire donc cette signification dans la traduction de ce verset dans sourate An-Nahl. نعم ولله المثل الأعلى. Ils l'ont traduit en disant tandis qu'Allah seul est le qualificatif suprême. Et le qualificatif suprême. C'est ainsi qu'ils l'ont traduit. ولله المثل الأعلى. نعم. Je vais juste vérifier dans un tafsir en arabe pour voir la différence, comment il a été expliqué en arabe. Ina walillahi as-sifat al-hamida al-ulya min al-jalal wal-kamal wal-ghina wal-ilm. وهو سبحانه العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. Donc quand ils disent ولله المثل الأعلى, eux qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont élevés, toutes les attributs d'Allah sont les plus hautes, les meilleurs, les plus élevés, les plus suprêmes. Mais pas dans le sens que Allah est au-dessus de sa création, parce que les gens de bid'a, c'est pas ça qu'ils pensent, c'est pas ça qu'ils croient. Donc eux ils pensent quand ils affirment l'attribut de al-ulu à Allah, c'est pas dans le sens qu'il est élevé par son être et par sa personne, mais c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il a les attributs les plus hauts et les plus élevés. Les attributs suprêmes, c'est dans ce sens-là qu'ils le prennent. Ulou al-qadr, ulou al-manzila, mais pas ulou al-dhat. D'accord ? c'est dans ce sens là et il dit ici que c'est pour ça que le cheikh il dit ici tous les musulmans, toute la umma est d'accord pour affirmer l'ulou en tant qu'attribut, mais pas dans le sens hein, qu'il soit sunni, c'est-à-dire qu'il soit sur la sunna ou qu'il soit sur la bid'a, ils sont tous d'accord sur ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Yani que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé dans ses attributs. Hein, il est élevé dans ses attributs. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Hein, c'est à Allah que, qu'appartient l'exemple le plus parfait, les attributs les plus élevés. C'est dans ce sens-là. Donc ses attributs sont élevés, sont hautes, sont parfaites. Et que personne ne peut se comparer à Allah dans ses attributs. Et les seuls qui comparent Allah à ses créatures dans les attributs, c'est les gens du Tamthil. Les gens qui comparent Allah à sa création. Et il dit, ceux-là ne sont même pas considérés parmi les musulmans. Hein? Ceux-là ne sont même pas considérés parmi les musulmans. Ceux qui disent que Allah est comme ses créatures. Hein? Et qui comparent Allah à ses créatures. Il dit, en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est Ali, il est élevé par son être, hein, et qu'il est par son être au-dessus de sa création et de ses créatures, alors ici, il faut comprendre que c'est là qu'il y a eu un conflit et beaucoup de débats entre les différentes sectes de la Ummah. Toutefois, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé par sa personne, par son être, et qu'il est au-dessus de sa création, et qu'il est élevé dans ses attributs aussi. Donc, comme il est élevé dans ses attributs, et que ses attributs sont élevés et parfaits, eh bien, il est également élevé par son être et par sa personne, au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Et les gens de Bid'a, eux, ils se sont divisés à ce sujet-là en deux positions et en deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui disent Allah est partout. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui disent Allah est nulle part. Hein? Ça, c'est pour résumer, si on veut. Hein? Ceux qui disent Allah, il est partout. Hein? Il est avec sa création, mélangé avec sa création. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit, il y a ce groupe-là, ils disent, il est partout par son être, il est partout par son être. Hein? Donc eux, ils disent pas que Allah est élevé au-dessus de sa création par son être, ils disent qu'il est partout par son être. Donc il est dans la mosquée, il est dans les toilettes, wal'iyadu billah, il est partout. Allah musta'an. Et il y a une autre catégorie qui disent le contraire, eux. Ils disent, on peut pas décrire Allah comme étant en haut de sa création ou en dessous de sa création ou à l'intérieur de sa création ou à l'extérieur de sa création ou attaché à la création ou séparé de la création. Hein? On ne peut pas dire ça. Alors certains ulama ont dit, si on demandait à quelqu'un décris-nous le néant, on n'aurait pas pu le décrire par une façon meilleure que celle-ci, c'est-à-dire la façon des gens de Kalam qui disent non, il est, Allah il est nulle part, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas rattaché à sa création, il n'est pas séparé de sa création. Alors dans ce cas-là, il n'existe pas. Hein? Et donc, les gens de Kalam, hein, ils se sont inventés une divinité qui existe uniquement dans leur esprit, dans leur imagination. Il n'existe nulle part. Et le cheikh il dit, il y a eu une discussion justement à l'époque d'un de ces gens de philosophes théologiens de l'époque, parmi les premiers adeptes de la secte des Asha'ira, Muhammad ibn Furak, et il fait partie de leur tête, une des têtes des mutakallimin, des gens de Kalam, et il a rencontré un des grand dirigeant de l'époque qui s'appelait Mahmoud ibn Subuktikin rahimahullah, et il a eu un débat hein, avec lui à ce sujet là et Ibn Furak a dit, moi je ne dis pas que Allah est au-dessus ni en dessous, ni à droite ni à gauche, hein, ni en bas, ni en... Donc, il nie toutes les directions. Puis après, qu'est-ce que Mahmoud ibn Subuktakin, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, toi, ton Dieu, c'est le néant. Il lui a dit, toi, ton Dieu, c'est le néant. Et Ibn Taymiyyah, il mentionne ce débat-là dans Majmou' al-Fatawa, le volume 3, à la page 37. Hein? Donc, il a dit ici, si, إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ عَدَمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de sa création, comme il s'est décrit lui-même, et s'il est nulle part, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas attaché avec le monde, il n'est pas séparé du monde, alors dans ce cas-là, il n'existe pas. Hein? Donc ça, c'est les deux positions extrêmes parmi les positions des gens de Dalal, les gens d'égarement et les gens de Bid'ah. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont ces positions-là. Chez les soufis, ceux qui croient en Al-Hulul ou en Wahdat al-Wujud, qui disent qu'il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature, et qui disent que Dieu est partout et en toutes choses, et que tout est Allah. Hein? Ils disent le Créateur et la créature, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre les deux. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr et du shirk. Hein? C'est à l'origine même de l'idolâtrie, cette parole. Parce que tous les idolâtres et les gens qui adorent des idoles, même les chrétiens, ils se basent sur ça. Ils disent que Dieu est entré dans Jésus. Ils disent, quand tu leur dis pourquoi vous adorez Jésus, ils disent on n'adore pas Jésus, on adore Dieu qui est à l'intérieur de Jésus. Et la même chose pour les idolâtres, les hindous et les bouddhistes. Tu leur dis mais pourquoi vous adorez des statues? Ils disent on n'adore pas les statues, on adore Dieu qui est présent dans la statue. Hein? Donc ça, c'est à l'origine du shirk même. Et la parole opposée ou contraire, c'est la parole des athées. Hein? La position de ceux qui ne croient pas en Allah. Ceux qui disent il n'existe pas. Il n'existe pas pour eux, puisqu'il est nulle part. Hein? Et vous entendez souvent les ahbash qui disent ça. Allah existe sans endroit, sans espace. Tu leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et c'est eux qui disent ça. Hein? Ils répètent la parole des philosophes. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas attaché au monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Alors dans ce cas-là, il est où? Hein? Et vous savez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'esclave, il a demandé à l'esclave, où est Allah? Eux, les ahbash, tu leur demandes, où est Allah? Ils deviennent fous, yani. C'est comme si on dirait que tu leur as posé une question qui est kufr. Hein? C'est comme si tu as dit une parole de kufr pour eux quand tu dis où est Allah. Hein? Astaghfirullah, comment tu peux poser cette question? Comment tu peux dire où est Allah? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a posé cette question, hein, à l'esclave, à la femme esclave. Il lui a dit où est Allah? Ain Allah? Et elle a répondu fis sama, hein, dans les cieux. C'est-à-dire au-dessus. Alors, il lui a posé l'autre question. « Waman ana » et « Qui suis-je » Et là, elle a répondu « Anta Rasulallah ». Il a dit « I'tiqha fa innaha mu'mina » Il dit « Libère-la car c'est une croyante ». Donc, tout ça c'est pour dire que, yani, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, hein, qu'il est au-dessus de toute chose, par son être et sa personne, et qu'il est élevé au-dessus de son trône, à l'istiwa et à l'ulou. Il faut comprendre aussi à l'istiwa et à l'ulou, c'est deux choses différentes. Hein? À l'ulou, c'est plus général, à l'istiwa, c'est spécifique au trône. Mais ça, on va en parler de toute façon plus tard encore. Tout ça pour dire, hein? Tout ça pour dire, en résumé, comme le cheikh il le dit, les gens de la déviation, hein, à propos du fait que Allah est élevé par son être au-dessus de toute chose, ils se sont divisés en trois groupes. Hein, c'est-à-dire, il y a premièrement le groupe de Ahlus Sunnah wal Jama'ah qui est sur le haqq à ce sujet-là, qui est sur la vérité, et eux ils disent que Allah est au-dessus. Hein, au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, par son être, séparé de sa création. بائن من خلقه. Et il y a une autre, comme le cheikh dit, il y a un autre groupe, eux qui disent Allah est partout. Et un autre groupe qui disent Allah, il n'est pas attaché au monde, il n'est pas séparé du monde. C'est-à-dire, on ne peut pas décrire Allah comme étant élevé ou de dire à son sujet qu'il descend ou des choses de ce genre. On ne peut rien dire de ça pour eux. Et il dit, ça c'est les différents groupes de personnes et les catégories des gens à propos de l'élévation par son être. À propos de l'élévation d'Allah par son être. En ce qui concerne l'élévation d'Allah dans le sens, par la signification du fait que ses attributs sont élevés et qu'elles sont parfaites, eh bien ça, ils sont tous d'accord pour le dire, excepté les mumathila, excepté les gens qui disent que Allah est comme sa création, parce que pour eux, ils ont réduit et diminué et rabaissé les attributs du Créateur, en disant qu'elles sont comme celles des créatures, et nous considérons cela comme étant des mécréants, des kuffars. Parce que toute personne qui dit Allah est comme sa création, il a démenti la parole d'Allah dans laquelle il dit rien ne lui ressemble. Et celui qui dément le Coran a mécru. Il a fait ce qui est kufr. Et le cheikh il dit فَالْمَعْرَكَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, puis on expliquera la suite au prochain cours, inshallah. Naam. Donc, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer maintenant notre cours de Iqtida Sirat al-Mustaqim, tout de suite après.